guéri de tout empêche d'être animé par ce zèle, cette détermination, que le Seigneur brise, renverse toute forteresse, tout obstacle en nous, qui nous empêche d'avoir cette détermination et de partir réellement sans enlever les freins en cours de route. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Oh Dieu, Seigneur, je reconnais votre gloire, Dieu parfait. Seigneur, qu'animé, Seigneur, grâce, occasionnellement par ces élans, Seigneur, Dieu de grâce, j'ai été rattrapé. Rattrapé, Seigneur, en cours de route, voie de gloire, Dieu parfait. Seigneur Dieu, j'ai été rattrapé par telle ou telle préoccupation, non pas spirituelle, voie de gloire, mais matérielle. Seigneur, qui m'ont ralenti, Seigneur, de grâce, sur ce chemin. Seigneur Dieu, Seigneur, je viens vers toi, voie de gloire. Seigneur, mes moyens personnels sont révélés, vains, Seigneur, limités. Oh Dieu, Seigneur, je prie afin que tu me délivres, roi de gloire. Seigneur Jésus, que j'ai prié, roi de gloire, Dieu parfait, tu me délivres, roi de gloire. Ce qui m'amène de grâce à freiner en chemin, à freiner en chemin, roi de gloire, Dieu parfait. Tu pouvais critiquer ceux de Galates en disant, vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Oh Dieu, Seigneur, je crie à toi, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je crie à toi, roi de gloire. Je vais animer, Seigneur, par cet élan. Et ne plus attendre, Seigneur Jésus-Christ, pour quelque raison que ce soit, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Seigneur, roi de gloire, je prie de me délivrer tout le raisonnement majesté. Seigneur, qui entrave, roi de gloire, mon élan. Seigneur, qui, Dieu de grâce, qui vient, Dieu de grâce, s'interposer, Dieu de grâce. Oh, pour ralentir, Dieu de grâce, mon élan, roi de gloire. Seigneur, je prie, oh Dieu, je lève, Seigneur, ma voix vers toi, te suppliant, roi de gloire. Seigneur, afin que tu interviennes, majesté. Seigneur, afin que tu interviennes. Que mon élan, Seigneur, de grâce, soit définitif et permanent, Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'au bout, Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'au bout, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, jusqu'à destination. Oh Seigneur Dieu de grâce, je t'en supplie. Je t'en supplie, viens au secours de mes limites, de mes faiblesses, roi de gloire, Dieu parfait. Seigneur, je te prie de me tenir, Seigneur, par la main. Seigneur, viens au secours, roi de gloire. Oh Dieu, donc d'avoir cette détermination, d'être animé, Seigneur, par cette détermination et y tenir, Seigneur Dieu de grâce, par une foi en toi, Seigneur Dieu de grâce, sans trêve, Seigneur, sans doute. Oh Dieu, sans être rattrapé, roi de gloire, par la vanité de ce monde, par la vanité, Seigneur, de grâce, ce monde, Seigneur, par les convoitises qui font la guerre à mon âme, qui font la guerre, Seigneur, de grâce, à nos âmes, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Oh, Seigneur, dans ce monde de plus en plus obscur, ténébreux, où tu nous appelles à briller, roi de gloire, Dieu parfait, être comme des flambeaux de cette génération perverse et corrompue, ténébreux, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur, que ces signaux, que ces signaux, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, m'interpellent suffisamment et me donnent de ne plus attendre, Seigneur Jésus-Christ. De ne plus attendre, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, j'ai des raisonnements, j'ai des grâces, des raisons aussi légitimes, mais Seigneur, certainement, qui ne valent rien devant toi. Seigneur, je prie, roi de gloire, Seigneur de grâce, j'ai besoin, Seigneur de grâce, de ton intervention en cette matière, roi de gloire. Je t'en supplie, majesté. Je t'en supplie, roi de gloire. Au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai besoin réellement de toi, majesté. Seigneur, tu connais le désir de mon cœur. Seigneur, tu connais le désir de mon cœur, roi de gloire. Seigneur Jésus-Christ, je te prie avant que tu le fasses. Seigneur, dès le fait, Seigneur, pour nous rassembler ici, majesté, pour chacun d'entre nous. Oh Dieu. Dès le fait, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous sommes animés, Seigneur, de grâce par cet élan. Cet élan, majesté, qui bouillonne, roi de gloire, Dieu parfait. Et qui bouillonne, qui va, Seigneur de grâce, en s'accroissant. Qui nous donne Dieu de grâce. D'être déterminé, roi de gloire, Dieu parfait. Seigneur, à te chercher, sans attendre. Seigneur de grâce, à te lancer, Seigneur Dieu de grâce, à ta suite. À te chercher, roi de gloire. Et à te chercher de tout notre cœur, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et Seigneur Dieu de grâce, et que tu accomplis, Seigneur, pour nous ta promesse selon laquelle qui te cherche, roi de gloire, te trouve, si te cherche de tout ton cœur, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions, roi de gloire, te trouver, roi de gloire, Dieu parfait, et cheminer, Seigneur, avec toi. Et cheminer avec toi, au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Et nous devons continuer à prier que Seigneur t'apporte à notre plaisir, trouver plaisir dans sa présence. Que ce moment de Dieu ne soit pas comme un pardon pour nous. Au contraire, que ce soit un moment de réjouissance, un moment de joie, un moment de communion avec lui afin que nous-mêmes nous puissions trouver plaisir en cela. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Oh Dieu. Seigneur, nous continuons de crier à toi, Seigneur de grâce. Nous nous présentons à toi, roi de gloire, Dieu parfait. Seigneur Jésus-Christ, c'est un peu de grâce. Seigneur, ce moment de jeûne, roi de gloire, c'est un moment qui nous rapproche de toi. Seigneur, notre cœur ayant pris plaisir, majesté. Pris plaisir, oh Dieu. continuer à te chercher. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur, que l'attrait de ce monde humanité ne soit plus de grâce. Au chapitre noir de grâce, ne soit plus au rendez-vous. Seigneur, que les choses qui brillent dans ce monde, que les bons repas de grâce, ces mains esprits, roi de gloire, qui jaillissent, roi de gloire, nous attirent. Que ça s'arrête. Qu'on soit de grâce indifférent face à ces mains, roi de gloire, qui se laissent saliver. C'est qu'on trouve plutôt du plaisir, roi de gloire, Dieu parfait. À nous mortifier, roi de gloire, pour la gloire de ton Seigneur. À nous mortifier, Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que nous trouvons notre plaisir total, roi de gloire. C'est que ce soit avec plaisir et notre grâce, comme en gémissant, comme en murmurant, oh Dieu de grâce, oh Dieu, que ce ne soit pas comme un pardon. Donne de plaisir dans ton moment, roi de gloire. Oh Dieu, que ce moment, roi de gloire, de joie. De joie, roi de gloire. De joie, oh Dieu, qu'une puissance t'offre ce moment, roi de gloire, de parfait. Oh Dieu, trouvez plaisir en toi, Jésus de Nazareth. Trouvez plaisir en toi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le plaisir de trouver Dieu de grâce dans des mains circulantes, Dieu de grâce, se substitue, roi de gloire, Dieu parfait, soit remplacé. Et que ce plaisir, roi de gloire, Dieu parfait, se retrouve plutôt dans la communion avec toi, Dieu de grâce, la communion dans ta parole, dans la prière. Loin, roi de gloire, Dieu parfait, du manger, du boire. Loin, Seigneur de grâce, de ces mains circulantes, oh Dieu. Maintenant que ta parole soit une main circulante pour notre cœur, notre âme, notre homme intérieur, au nom puissant de Jésus qui t'adresse. Amen. Amen. Ta parole demande de Maturité dans la foi. Amen. Prions. jour et la fois, prie. Oh Seigneur. Oh Seigneur. La foi, tu comprends pas Oh, À sa juste valeur, ce sacrifice qu'il a consenti pour nous et que nous puissions plus mener une vie légère, considérant le prix qu'il a payé pour nous sauver. Prions que le Seigneur nous donne de considérer à sa juste valeur ce sacrifice qu'il a consenti pour nous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, roi de gloire. Délivre-moi cette légèreté, roi de gloire, Dieu parfait. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, illumine les yeux de mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que je quitte cette vie superficielle, légère, roi de gloire, Dieu parfait. Oh Dieu, que puisse Seigneur de grâce, considérer de grâce ce sacrifice que tu as consenti à la croix, cette douleur, roi de gloire, Dieu parfait. Tu as volontairement accepté, roi de gloire. Seigneur, si tu as subi le châtiment, oh Dieu, qui m'était réservé à cause de mes péchés, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'en supplie, majesté, d'illuminer les yeux de mon cœur, roi de gloire. Seigneur, que je ne tiens pas pour profane, roi de gloire, ce sacrifice. Seigneur, roi de gloire, oh Dieu, que je quitte cette vie légère, oh Dieu de grâce, qui méprise le sacrifice que tu as consenti, majesté. Seigneur, cette clou, Seigneur, cette fouet, oh Dieu de grâce, oh ce sang qui a coulé, cette douleur, roi de gloire, Dieu parfait. Oh Seigneur, que je puisse me souvenir, Seigneur, de la douleur que tu as acceptée volontairement. Seigneur, mourir à ma place, souffrir à ma place, sentir, roi de gloire, cette sanction, Seigneur de grâce, subir cette sanction, Seigneur de grâce, à ma place. Seigneur, que je puisse m'en souvenir à sa juste valeur et arrêter, roi de gloire, de blaguer, Dieu de grâce, dans ma marche quotidienne, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que je puisse me souvenir au roi de gloire et Seigneur de grâce, me ranger, Seigneur de grâce, majesté, de m'appuyer sur toi pour être en règle avec toi jour après jour. Et toi, roi de gloire, Dieu parfait, le chemin de ma marche avec toi, majesté. Seigneur, je t'en supplie, que cette légèreté, roi de gloire, Dieu parfait, qui m'a caractérisé, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, je t'ai quitté, viens pour entamer le véritable chemin de la consécration, majesté, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. À la croix, ô mourut mon sauveur. Je suis tenu, brisé de douleur. Laissons sanctifier à mon cœur, à son nom, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, la son saint purifie à mon cœur, à son nom. Son nom, la gloire. Ô fontaine, effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché, là Jésus me retient attaché à son nom. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à moi Jésus bien coupé, à son nom. Avec la tête baissée maintenant, le cœur prosterné, pensez à ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Avec la tête baissée et le cœur prosterné, pensez à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous à la croix, pour vous à la croix, pour toi à la croix. Pensez-y. Pensez comment il a souffert. Pensons comment il a souffert. Il est mérité parce que la main, il a porté pour toi et pour moi. Il a souffert l'ignominie, injuré, craché dessus. On a arraché sa barbe. On a accusé injustement en le regardant droit dans les yeux, lui, le Dieu créateur. On l'a fouetté, déshabillé, se moqué, bandé les yeux, giflé, lui demandant de prophétiser. Pensez-y. Pensez-y pourquoi était-il au tribunal, afin que toi et moi nous ne serons plus encore au tribunal. Pensez-y. Le jugement de Dieu allait droit sur lui à cause de toi et de moi. Pensez-y. Pensez-y. Pensez-y donc que chaque fois donc que nous vivons dans chacun des péchés, alors qu'il a payé le prix, nous lui faisons du mal à son cœur. Pensez-y. Pensons-y. Pensons que chaque fois que nous marchons dans les voies de règlement, il dit que nous n'avons pas compris ce qu'il a accompli à la croix. Pensons-y. Pensons à ce que notre Créateur nous a fait à la croix. Pensons-y. C'est quand il dit, viens-tu plonger et trouver le bonheur. La joie d'une âme qui a été délivrée du péché. La joie d'une âme qui expérimente la paix avec son Créateur. La joie d'une âme qui se sent pardonnée. Puisse cela être le nôtre maintenant. Si ton cœur était troublé d'une façon ou d'une autre, c'est le moment de rentrer là et méditer par rapport à la croix. Souviens-toi, il l'a fait alors que tu n'étais pas né. Souviens-toi, il t'a pardonné avant que tu ne viennes au monde. Tu dois accepter et croire à ses pardons afin que ça quitte ta vie. Que la puissance du péché te libère. Pensez à ce que notre Seigneur, pensez à ce que notre Créateur a fait à la croix. La croix, l'opprobre, la malédiction, il est devenu littéralement malédiction pour nous. Afin que nous soyons sanctification. Afin que nous soyons justice de Dieu. Pensez-y. Disons merci au Seigneur. Disons-lui merci pour ce qu'il a fait pour nous. Merci pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Merci parce qu'il a pris délibérément le poids de notre péché. Il a pris délibérément le poids de nos péchés. Il est allé nous représenter là-bas, alors qu'il n'était pas coupable. Il a pris notre place de culpabilité afin que nous soyons innocents au devant du Père. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as accompli pour nous. Alors que nous étions encore ignorants, tu es mort pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Et aujourd'hui, Seigneur, nous prenons conscience encore de la souffrance dont tu as souffert pour nous à la croix. Nous croyons en cela, Père de gloire, comme notre ultime rédemption, comme l'expiation pour notre péché, pour nos transgressions. Père, que chacun ici, ô Dieu de gloire, de nous ici, et tous ceux qui nous écoutent, Père de gloire, dans le monde entier, que tous ceux-là, ô Dieu de gloire, comprennent l'importance de ce pardon que tu as accompli à la croix. Donne-nous de vivre avec ce pardon-là. Donne-nous de vivre en méditant à toutes ces choses-là. Et la conséquence, Seigneur, que nous soyons obéissants, des enfants obéissants, comme toi, tu as été obéissant jusqu'à souffrir la mort. Que nous soyons ainsi, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Veuillez vous asseoir. Que le Dieu de gloire, le Père de toute grâce, vous comble de ses multiples grâces. Salue seulement quelqu'un à côté de toi, doucement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, salue quelqu'un doucement, doucement. Et restez toujours dans cette atmosphère. S'il y a eu une atmosphère où je sais que les gens sont déterminés à s'engager, c'est cette atmosphère. Depuis une ou deux semaines, je sens que les gens sont déterminés à en découdre avec ce monde-ci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il dit bien, c'est la première fois depuis ma vie. Je peux vous le rassurer. Depuis ma vie que je prêche, de savoir que quelque chose est sur le point d'aller comme ça. Comme si on allait dérouler les tapis, les gens sont en train de marcher. Et je sais que chacun de nous a décidé d'en découdre avec ce monde. D'en finir avec le monde. Et là, sur ce plan-là, le Seigneur va nous aider. Sur ce plan-là, il va nous aider. Allume là-bas, frère, comme ça, vous allez avoir. Donc, regarde quelqu'un, dis-lui bonsoir, dis bonsoir. Quelqu'un, même si c'est à distance, dis-lui bonsoir. Fais un sourire à quelqu'un, dis bonsoir. Donc, vous êtes la bienvenue pour la première fois, pour ceux qui sont des retardatés, pour ceux qui ne jeûnent pas, pour ceux qui jeûnent. Vous ne mourrez pas. Et c'est que 18 heures passées depuis 20 minutes. Même si vous ne buvez pas l'eau, vous n'allez pas mourir. C'est pas parce qu'on a dit qu'à 18h, ici c'est exceptionnel. Donc, souvenez-vous, si 18h trou, alors qu'on a la prière, on va jusqu'à ce qu'on finisse, vous allez manger, vous n'allez pas mourir. C'est le moment par excellence que la vraie parole pénètre votre esprit. C'est vrai que vous avez les palpitations avec les mains qui tremblent comme pour Jean-Paul II, mais vous n'allez pas mourir. Hein, frère? Vous allez voir tout simplement que quand on entre dans le bain de cette parole-là, vous ne sentez plus la famine. Je sais que c'est difficile pour certains d'entre vous. Une, deux, trois, quatrième, cinquième, vous n'allez plus rien sentir. D'accord, frère? Que Dieu vous fortifie. Qu'il vous parle. Il nous parle. Donc, je crois que l'Esprit de Dieu veut que nous prions. Je vois que son Esprit veut que nous prions. Et jusqu'à là, je comprends encore une chose, c'est que l'atmosphère que j'ai sentie en entrant ici, c'est qu'il y a le désir de prier. Vous avez quitté vos différentes maisons, ne priez pas comme il faut. Là, l'atmosphère qui est là, c'est l'atmosphère de prière. Qu'il faut prier. Vous voyez comment vous priez, vous sentez vous-même la différence. Parce qu'à la maison, vous baillez. Les enfants dérangent. Des choses, mais ici, vous voulez prier. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Donc, je vais vous donner deux indications venant de lui avant qu'on voie l'exhortation. On va voir selon qu'il le veut. Et puis, on en a la prière. Vérifiez que vous avez de vous-même enlevé les obstacles que vous pouvez enlever. Vérifiez de vous-même. Que vous avez enlevé les obstacles que vous pouvez enlever. Je dis cela avant d'avancer dans l'exhortation, là, avant que nous prions. Vérifiez de vous-même que les obstacles que vous pouvez vérifiez que les obstacles que vous pouvez enlever, vous les avez enlevés et enlevez-les effectivement. Donc, je fais l'effort de vous être utile. La deuxième chose, c'est les obstacles que vous ne pouvez pas enlever, laissez-les lui. Faites ce que vous devez faire. D'accord, frère? J'espère que vous avez saisi. J'espère que vous avez saisi, n'est-ce pas, frère bien-aimé? Il dit, les obstacles, n'essayez pas de... Ça, en fait, de toute façon, vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu, le Dieu du ciel. Parce que je ne peux pas être en prière avec vous. Il me dit que les gens au milieu de toi continuent d'avoir les musiques mondaines. Ils m'adorent avec les lèvres, ils ont encore les musiques mondaines, en secret. Je ne peux pas prier et que ça se passe comme ça. Je ne veux pas venir devant quelqu'un pour dire que c'est toi. Vous savez. Donc, il faut qu'il parle de cette façon-ci. Je ne peux pas me mettre en prière pour prier pour vous. Et puis, j'entends cela. Ça ne peut pas me réjouir. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui chante pour le Seigneur, après a un CD ou bien une musique mondaine dans son téléphone pour écouter par la suite. Ce n'est pas possible. Je recommence encore. Enlevez ce que vous pouvez enlever. Ce n'est pas Dieu qui va descendre du ciel pour effacer ça de ton téléphone. Ce n'est pas le Dieu du ciel qui va se décider pour venir enlever ça de ta maison. Tant que tu n'as pas compris que ces choses-là, ce sont les œuvres de l'esprit. Et écouter ça, c'est écouter celui qui est derrière et par conséquent l'adorer. Vous n'allez pas avancer. Vous ne pouvez pas faire ces choses-là. C'est vrai que le monde a utilisé des philosophies en disant qu'il n'y a pas de mal à cela. Ce n'est pas selon le monde. C'est selon le jugement de Dieu. Ce qui lui l'a appelé péché, n'appelons pas ça autre chose. Vous saisissez? J'espère que vous avez sur les deux volets. Premier volet, c'est que vous pouvez le faire, enlever par vous-même. C'est que je ne vais pas m'avancer vers quelqu'un pour dire que c'est toi. Deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas enlever. Il y a des choses sur lesquelles vous avez prié plusieurs fois, ça n'enlève pas, ça ne sort pas. Ne vous inquiétez pas, Dieu est au courant. Vous allez voir seulement à l'issue de ce jeûne ce qui va arriver. C'est la première étape. Vous voulez, on commence dans la parole. Allons-y, ouvrons le livre de Josué. Merci Père. Donc c'est parti, on va lire beaucoup d'écritures. Donc en ce troisième jour de jeûne, je prie que le Saint-Esprit de Dieu vivant te vous fortifie. Et souvenez-vous, il désire parler. Il désire que vous ayez cette communion avec lui. Il désire cela. Donc prenez cela au sérieux. Vous n'avez pas écouté, si vous n'avez pas suivi l'instruction, laissez de côté, ça ne vous concerne pas. N'allez pas faire la grève de la faim. Josué. Donc, les enfants, veuillez vous tenir vraiment tranquille, que Dieu vous bénisse également. Et je prie que vous grandissiez dans cette crainte-là. Que s'il ne vient pas à notre génération, que vous soyez les fers de lance pour relayer son message dans le monde entier. Josué chapitre 7. Ne tolérez pas de péché. Ne tolérons pas. Même si nous avons eu à pécher, ce n'est pas la fin. Et surtout, l'une des choses que nous avons toujours vues, c'est ne pas donner accès au diable en disant que comme tu as fait tes choses, Dieu n'est plus avec toi. Ne croyez pas cela. Il a expié pour tous les péchés absolument. Ne croyez pas cela, ne croyez pas ces mensonges du diable parce qu'il fait comme ça pour t'isoler quelque part, pour te cribler. Ne croyez pas cela du diable. Parce que Christ a payé tes péchés pour tes péchés que tu avais confessés avant que tu ne meurs, même pour ce que tu as commis. Mais le problème, c'est d'avoir la détermination maintenant pour marcher selon lui. D'accord, frère? Souvenez-vous de ce que nous avons dit la dernière fois. Le Père nous appelle saints. Soyons dignes de porter son nom-là. Josué chapitre 7. Je vais lire là et puis on va aller quelque part. On y va. Donc, quand je vais lire plus tard, je vais vous donner des versets où nous allons parcourir. Peut-être déposer la Bible et puis nous allons parcourir cela ensemble, selon que Dieu voudra, selon l'orientation qu'il voudra. Puis on va prier. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Vous y êtes? Au sujet des choses dévouées par interdit. La Bible déclare que les enfants d'Israël commis une infidélité. L'infidélité, ça veut dire que tu n'es pas droit dans ton agissement. D'accord? On dit les enfants d'Israël commis une infidélité. Au sujet, on identifie la chose pour laquelle ils ont commis l'infidélité. Vous y êtes? On dit les choses dévouées par interdit. Quand vous voyez cette expression dans la Bible, les choses dévouées par interdit, ce sont les choses que Dieu avait vouées à la destruction. Donc quand Dieu dit par exemple que vous arrivez quelque part, vous dévouez par interdit toute la ville, femmes, enfants et autres, ça suppose qu'il faut les tuer. Donc si tu arrives, tu ne tues pas une femme, ça veut dire que tu as refusé l'ordre du Seigneur. Vous suivez, bien-aimé? Donc la Bible déclare verset 1 que les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Point. Akan, vous y êtes, fils de Camri, fils des Abdi, fils des Irak, de la tribu de Yehuda, prit des choses dévouées par interdit. C'est une personne qui l'a fait. Et on dit qu'Israël a commis de l'infidélité. Dans ces choses-là, vous devez voir la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu traitait avec le peuple, comme je vous dis chaque fois. Donc, ça veut dire qu'une personne est coupable, tout le reste est coupable. Dans l'église, c'est individuel. Tu pèches, c'est ton problème. Que celui qui est saint se sanctifie. Que celui qui est, ouais, n'est-ce pas? Ouais. Donc, ça veut dire que si vous êtes saint, vous vous sanctifiez encore davantage, c'est vous. Que chacun sache posséder son corps dans la sainteté, dans ce individuel. Alors qu'en Israël, une personne désobéissant, le reste est coupable. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons voir la notion donc, d'interdire les choses, donc identifier et ôter cette chose. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth-Haven, à l'orient de Bethel. Il a dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montaient et explorèrent le pays. Souvenez-vous, Josué, c'est le prophète. D'accord? Le conducteur. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ s'est mis en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Dieu avait donné la promesse à Israël que tant qu'Israël deviendrait quoi, resterait sous son alliance, un seul parmi eux chasserait combien? 1 000. 2 chasserait combien? 10 000. Il a dit que l'ennemi viendrait avec par un chemin, ils vont rentrer par combien? Donc ça veut dire que tant que nous restons sous la protection de Dieu, Dieu nous accorde la victoire. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, suivez ce qui va arriver. Les gens d'Aï leur tuaient environ 36 hommes. Il est poursuivi depuis la porte jusqu'à Shebarim. Il est bâti à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Tout à l'heure, c'est le chef de l'armée qui sont venus dire à Josué que nous avons vu les gars là. Avec 3 000 hommes, on peut finir avec eux. Il ne savait pas qu'avant de s'engager dans la bataille, il faut vérifier d'abord son arrière. Maintenant, le Nouveau Testament nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ceux-ci, ils ont tué seulement 36 personnes. Les batailles avec nous, chaque fois quand tu pêches, des astres errants te regardent. Chaque fois quand tu commets un péché, ils enregistrent. Chaque fois quand tu commets un péché, tu ouvres des portes. Donc, ils peuvent frapper à tout moment. Le plus grave, c'est que nous ne connaissons pas la sensibilité même de l'esprit. Nous sommes d'accord? Eux, ils allaient lutter physiquement. Dieu dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Donc, ce n'est pas comme pour eux. Pour nous, est plus terrible parce que ici, eux, là, l'esprit, ils savent qu'ils sont déjà, ils ont perdu d'avance. Donc, ils ne font pas de cadeaux. C'est pour ça qu'il faut que chacun de nous vérifie si on n'a pas leur objet à eux avant d'aller combattre. Vous suivez? Il faut qu'on vérifie, chacun vérifie s'il n'a pas, on ne peut pas avoir les armes de Satan pour le combattre. C'est pour ça que vous allez voir les armes de Dieu dans la Bible ne sont pas conventionnelles. Son style d'âme qui donc correspond à la victoire qu'on va avoir face à l'ennemi. Vous allez voir, il dit dans Éphésiens chapitre 6 que prenez pour casque le salut et la vérité pour ceinture. Donc pour briser l'esprit de mensonge, c'est par la vérité. Vous saisissez ça, frère? Donc il faut qu'on vérifie. Donc 3 000 personnes sont parties du côté de Aï, ils ont pris la fuite, environ 36 personnes sont mortes. La Bible déclare, ils étaient consternés et le peuple perdit courage. N'est-ce pas, frère? Regardez bien ce qui va se passer. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir. Soulignez. Vous avez vu ça? Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête des poussières. Donc ils sont restés prosternés devant l'arche. Sa tête était au sol, restés prosternés jusqu'au soir. Imaginez un peu cela, ce vieillard. Se prosterner là pour avoir la solution. Qu'est-ce qui nous indique? Donc même s'il y a n'importe quel problème, remarquez très bien qu'il y a un péché. Il ne connaît pas ce qui s'est passé. Lui, il ne connaît pas ce qui s'est passé. Il s'est dirigé vers Dieu pour savoir la solution, ou bien la cause de cette défaite-là, de cette chose-là. Cette chose qui arrive à Israël. Il veut savoir quelle est la chose. Qu'est-ce qui a causé ça? Quelles sont les motivations? Pourtant, le peuple de Dieu ne veut pas avoir cela. Je veux que vous compreniez. Il y a une alliance entre le peuple et Dieu. Alors, le peuple va au combat. Il ne voit pas cette réalisation-là. Alors, il y a un problème. Il faut qu'il cherche la cause. Le prophète est là pour chercher la cause devant le Seigneur. C'est le prophète. Et il reste devant l'arche, prosterné jusqu'au soir. Il veut que vous imaginez cela. Prosterné jusqu'au soir, un vieillard, la tête au sol. Il ne bouge pas de là, jusqu'à ce que Dieu donne la réponse. Vous y êtes? Verset 7. José dit, ah Seigneur. Donc, quand il était prosterné, voilà ce qu'il disait. On a dit jusqu'au... Je veux que vous compreniez ces choses-ci. Mon rôle devant vous, c'est seulement vous indiquer la manière pour vous présenter devant lui. Afin qu'on ne fasse pas de bavardage. Je veux que seulement vous montrer, c'est tout ce que je peux faire. Et puis activer cette parole-là en vous, pour que vous ayez foi en sa parole et en cette personne-là que nous prêchons. C'est tout ce que je peux faire en tant qu'être humain. Voici, étant prosterné, il va dire, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté des Jourdains, des grâces Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Vous avez vu la façon que c'est présenté ça au Seigneur? Donc, ça veut dire que cet ennemi-ci, si l'ennemi-ci comprend effectivement qu'il est venu, il a eu la victoire sur toi, ça va être déclenché dans le royaume. Que mon gars, celui-là qui nous dérangeait là, allez-y, foncez. Alors, c'est pour ça qu'il a dit que quand une personne va sortir, il va rentrer voir, il va aller prendre cette autre. Donc, faisons attention. Et maintenant, regarde bien, le Josué met Dieu dos au mur parce qu'il s'agit de son nom, de défendre son nom. Israël porte son nom, Israël. Il porte son nom, donc il faut qu'il défende son nom là. Il ne défend pas le peuple là, il défend le nom de Dieu. Vous saisissez ça? Seigneur, tu as dit que tu bâtiras ton église et les portes du séjour des monts ne prévendront point contre elle. Mais voici ton église qui est faible. Nous sommes faibles, point de don spirituel, point de manifestation spirituelle. Que diras-tu maintenant, Père, alors que l'église a fait face à cette difficulté dans le monde? Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? J'espère que vous me comprenez. Continuons ici. Verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? La solution est donnée. Je vous ai dit, quand Dieu parle, ça change. Donc, ça veut dire que si Dieu n'avait pas parlé, il serait resté là-bas. Il est resté jusqu'au soir. Pourquoi tu ne lui as pas dit une seule fois, quand il a commencé à prier, vous dites, quand il faut prier, quitter là-bas. Il est resté jusqu'au soir, parce qu'il est la solution à ce problème-là. Vous suivez, bien-aimé? L'Éternel lui dit, lève-toi. Pourquoi, quand restes-tu prosterné là-bas? Regarde bien. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées, pas interdites. Ils les ont dérobées et ils ont dissimulé et ils les ont cachées parmi les bagages. Regardez bien verset 12. Soyez attentifs. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Soulignez. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, le verset 29, 27 à 29, la Bible déclare que tu ne feras pas entrer chez toi, quoi, des choses dévouées par Dieu, de peur que tu ne deviens comme cette chose-là. Ça veut dire que c'est une chose de malédiction, tu es automatiquement une malédiction. Par conséquent, n'importe quoi peut t'arriver. C'est pour ça qu'étant de dire tout à l'heure, identifier les choses que Dieu a dévouées par Dieu, c'est-à-dire que Dieu a rejetées, qui ne plaisent pas à Dieu, éliminons. Ce que vous pouvez éliminer, éliminons. Souvenons-nous, la sanctification de l'extérieur, Dieu nous les désigne afin que nous enlevions. Vous vous souvenez? La sanctification à l'intérieur, ça dépend de vous. Vous ne pouvez pas enlever la main pour enlever la colère de votre cœur. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le pouvoir. Vous ne pouvez pas envoyer la main pour enlever les images que vous avez enfouies en vous. Non. Il doit nettoyer cela. Donc, déjà, avant que vous ne croyiez, vous mentiez, pas vrai? Même péché, vous mentiez. Mais maintenant, vous ne parvenez plus à mentir. Est-ce que vous avez fait l'effort pour cela? Dieu, notre Seigneur, est à l'œuvre. Il nettoie sa jour après jour. Donc faites-lui confiance. Comme il a nettoyé, sans que vous ne soyez au courant, il va le faire pour les autres là. Souvenez-vous, lorsque la semence est mise en terre, ça grandit doucement. À un moment donné, il y a une étape où ça va produire seulement la tige. À un moment donné, ce sont les feuilles. À un moment donné, c'est le moment caractéristique même des fruits. D'accord? Chaque chose en son temps. S'il a fait le mensonge avant de faire l'impurité, ne vous dites pas pourquoi il n'enlève pas ces choses-ci. Parce qu'il a enlevé l'autre sans vous en demander. Suivez. Mais ce qui est de notre ressort, faisons-en exactement, promptement et immédiatement. Ce qui est de notre ressort, quand Dieu te pointe ces choses, et vous savez effectivement que voici la chose identifiée, n'essayez pas de dire, Seigneur, donne-moi la force pour enlever. Vous me suivez? Mes frères bien-aimés, vous m'entendez bien? Il dit ceci. Si Dieu te présente quelque chose dans ta vie, tu sais que Dieu t'a présenté ces choses, que ceci est mauvais. N'essayez pas de philosopher. Souvenez-vous de ce qu'il nous a dit plusieurs fois. Les moyens de distraction sont les armes sournoises et des armes de destruction massive pour la foi des chrétiens. C'est ce qu'il nous a dit ici. Il nous a dit que les moyens de distraction sont des armes sournoises. Sournoises pourquoi? Parce que vous ne voyez pas cela passer. Ça ne fait pas de bruit. Mais au profond, ça détruit la foi. N'est-ce pas, frère? Donc faisons attention. Ce qui te montre comme étant un objet, une chose, ne veut pas intéresser. C'est-à-dire que quelque chose qui crée handicap. C'est pour cela qu'il a dit. Il a dit que enlève les obstacles au devant de mon peuple. Enlève. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas venir porter cela. Il faut que je vous indique qu'il y a des choses devant vous dont le Seigneur ne veut pas enlever et observer. Souvenez-vous également ce qu'il a dit la dernière fois. Il dit que sa main n'est pas courte pour sauver. Ce sont les crimes qui créent une séparation entre nous et lui. Donc il faut que ces choses-là soient identifiées et enlevées. Si vous n'identifiez pas, vous restez tranquille. Vous ne voyez rien dans vos vies. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Si vous n'aviez pas quelque chose au milieu de vous, vous seriez en communion avec lui parfaitement. Donc s'il n'y a pas la communion parfaite, alors il y a un obstacle. Continuez seulement à sonder. Quand il vous montre, vous serez surpris. Il y a des choses qu'il n'ose pas encore dire. Avançons ici. Donc il dit, dans ce verset 11, il dit, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées et les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos. Donc tant que cette situation n'est pas réglée, ils ne peuvent pas avancer. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu, bien aimé. Donc, identifiez des choses qui sont des obstacles. Ce que vous savez être un obstacle. Pour ceux que vous ne savez pas et que ça se trouve certainement dans vos vies, continuons pendant ce moment, c'est prier et observer. Priez. Tout à l'heure, on va prier. Suivez seulement ce canavas. Restez dans la prière. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire. On peut avancer. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Aider quelqu'un à côté à trouver un Thessalonicien pour qu'on nous aille enlever parce qu'il y a beaucoup d'écritures. Ce sont des antiques, il y a beaucoup d'écritures. Et par la suite, nous allons prier. Nous, si quelqu'un tombe là, souvenez-vous, ce n'est pas l'effet de ceci. Ça peut être la famille, mais il ne doit pas mourir. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Si on pouvait avoir seulement un moment comme ça où chacun est dans la famille, où on peut prêcher comme ça 2 jours, on prêche. Vous allez sortir ici, même vos cheveux vont prophétiser. Je vous dis. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Tout le monde y est. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au reste, frère. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. J'espère que vous voyez. Écoutez très attentivement. Non. Moi, je vais dire. Il dit que puisque vous avez appris de nous. Ah, mon Dieu. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. J'espère que vous comprenez la phrase. Il y a une instruction qui a été donnée par les apôtres qu'en suivant, de cette façon-là, on marche bien. Et puis, dans ce cas, Dieu, nous sommes agréables à Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit que je vous exhorte, donc, frère, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Vous voyez? Donc, en suivant ces instructions-ci, vous savez très bien que vous êtes en règle avec le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire paix sur toute âme qui va suivre ces règles-là, n'est-ce pas? Et sur Israël de Dieu. Il dit. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, la conduite, la marche, la façon de vivre en tant qu'un chrétien, et plaire à Dieu, ça veut dire qu'on se conduit comme ça, on fait comment? On plaît à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en. Donc, ça veut dire que si vous plaisez à Dieu, il n'y a pas une position stagnante, avancée. C'est pour cela que depuis, vous voyez effectivement qu'on parle toujours de la sanctification, de repentance, les gens sont surpris. Parce que le message sort d'une certaine façon, vous voyez effectivement qu'il y a encore des choses à enlever. Le message sort d'une certaine façon, qu'il y a encore, suivez les enfants là. Le message sort comme ça qu'il y a encore telle autre chose à enlever. Vous voyez effectivement, on a de progresser. On peut faire autrement. Sinon, si on avait prêché tout sur la repentance et la sanctification, c'est que normalement, ce serait terminé. Mais comme il a dit, celui qui est saint, qui se sanctifie, encore il y aura toujours un sujet de sanctification, puisque le monde crée des choses chaque jour pour nous souiller. Il faut que Dieu nettoie cela. Et nous sommes au milieu de chaque jour. Donc ici il dit, verset 2, vous savez, en effet, quel précepte souligner. Quel précepte nous vous avons donné. Vous avez vu, les préceptes que nous avons donnés, pas que pour eux, pas que pour eux, de la part Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De quelqu'un de lire la Bible, il dit que non, c'est Paul qui dit ça. Il ne sait même pas ce qu'il en a parlé. Il dit que vous savez quels préceptes nous vous avons donné de la part de Jésus. Donc il s'est présenté, il prêchait ce Jésus-Christ qui a ordonné. Si l'Église peut seulement comprendre ceci, que nous avons devrait mettre l'intelligence de côté et dire, Paul a dit, Jésus a dit, parce que le Seigneur avait dit que enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il vient là, il se tient. Il dit, si quelqu'un se croit être inspiré, qui reconnaît que c'est un commandement du Seigneur. Jésus a dit ça où? L'évangile qu'il prêche n'est pas de moi, ce n'est ni d'un homme, je n'ai ni appris, c'est par révélation de Jésus-Christ. Il n'était pas obligé de dire ça quand il était sur la terre. Il a dit que j'ai encore d'autres choses à vous dire, vous ne pouvez pas le porter. Mais quand le Saint-Esprit vient, il va vous conduire là-dedans. Vous saisissez ça, frère? Donc il dit que vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Donc quand vous lisez les écrits des apôtres, sachez que ce n'est pas eux, il ne s'agit pas de leur pensée. Il s'agit des instructions, des directions et des préceptes du Seigneur. Pourquoi? Je bâtirai mon église pour bâtir l'église. Maintenant quand il dit, ce que Dieu veut, souligner. Donc il veut dire là que ce qui va suivre maintenant c'est la volonté de Dieu. Souvenez-vous, il en a parlé aux gens déjà qui marchent et qui plaisent à Dieu. Il a remarqué très bien, ceci, il plaît, il dit que c'est là ce que vous faites, c'est ce qu'il a dit au verset 1, que vous faites déjà ça. Après il leur dit encore une autre instruction, ce que Dieu veut c'est, il ajoute. Donc ceux-ci avaient écouté un certain niveau de prédication où ils marchaient, ils plaisaient à Dieu. Maintenant là il ajoute encore autre chose. Ce que Dieu veut c'est votre sanctification. Donc Dieu ne veut pas plus ta guérison physique, ta prospérité physique comme la sanctification. Son but ultime c'est de nous faire ressembler à son fils Jésus-Christ. Son but là-bas. C'est vous suivez bien aimé. Son but ultime, c'est nous faire ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Dieu va donc user des moyens qu'il a à sa disposition et dont il s'est frayé pour nous rendre à cette image-là, si nous sommes appelés de lui. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Ceux qui ne sont pas appelés ne peuvent pas comprendre ce genre de choses. Ils vont étudier, Dieu n'est pas important, c'est pas important de faire telle chose. Vous pensez que Dieu entre dans les détails comme ça? Vous pensez que Dieu, je vous rappelle que le Dieu de la Bible a puni tout un pays à cause des ha ha. Vous savez ça, frère? Ils ont dit ha ha, Dieu les a punis. Vous avez vu ça? Qui a lu ça dans sa Bible? C'est où? Ça se trouve où, Jimmy? Léo, là, ça bavarde trop. Oui, c'est l'élève du professeur Téman. Où ça, frère Jimmy? Lui-même, il a dit, haha, donc Dieu va le punir, pas vrai? Il a encore dit. Mais toi-même, tu l'élimines en disant, haha. Toi, tu te moques de qui alors? Donc, Israël est en train de traverser son pays comme ça, là, et il dit, haha. Dieu garde le petit doigt. Il dit qu'il ne dit rien. Longtemps après, Dieu dit, envoyé, je me souviens du fait qu'ils avaient dit, haha, quand mon peuple passait. Souvenez-vous de cela. Donc, ce que nous considérons comme péché, c'est que nous considérons que non, vous pensez que Dieu, ceci, va faire comme ça. Ils avaient seulement fait quoi? Ils avaient seulement fait quoi? Hein? Ils avaient seulement fait. Ils n'ont pas fait ça trois fois. Ha ha! Ha ha! C'était suffisant pour que Dieu distingue tout le pays. Imaginez seulement ce Dieu-là. Non, non, Dieu, vous êtes trop radicaux. Tu es même trapèze. Il ne faut pas être carré, évangéliste. Vous parlez. Le moment être carré, il faut mettre un point. Un point que tu ne bouges même plus. Faisons attention, parce que les jugements de Dieu ne sont pas nos jugements. C'est pour ça qu'il faut que nous nous transportions au niveau de son standard. Amen. Pour savoir comment il est. Parce que si nous nous jugeons à notre niveau, quand il va présenter son jugement, ça va dissoudre devant de nous. Donc ici, il dit, c'est que Dieu veut. Donc c'est sa volonté ici. Si quelqu'un lit la Bible et ne sait pas ce que Dieu veut de lui, il faut qu'il lise ça. C'est que Dieu veut. Après, il dit, c'est votre sanctification. Alors maintenant, puisque nous parlons de méditation, tu t'assois là-bas, il dit, c'est quoi donc la sanctification? Sanctifier, ça veut dire que nettoyer. Okay. Nettoyer de quoi? C'est là alors, cette réponse ici va te pousser à comprendre tout ce qu'on prêche depuis. Nettoyer de quoi? Si on te nettoie, ça suppose que tu as été souillé. Mais si tu n'es pas conscient que tu as été souillé, il y a un problème. Il faut d'abord te nettoyer pour que ta conscience s'ouvre. Pour que tu commences à comprendre la gravité du monde où on se trouve. Le monde est ses attraits. Imaginez seulement ce verset. Si quelqu'un aime le monde ou les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Cette personne se dit, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Tu dis que regarde le football. Tu suis le football, c'est la sueur coule sur toi. Mais tu ne peux pas prier parce que la sueur coule sur toi. Il dit que non, oh le mal à cela. Il ne sait pas effectivement que son cœur est attaché là-bas. Mais la façon de faire, la routine de faire dans la religion fait qu'il pense qu'il est en règle avec le Seigneur. Et après, il sera surpris. Qu'il appelait Seigneur, Seigneur, et le Seigneur va dire, je ne te connais pas. C'est pour ça que Dieu ne veut pas le cœur partagé. C'est pour ça qu'il appelle adultère. Quelqu'un qui a un cœur partagé. Si quelqu'un aime le monde ou le chose qui est dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui, donc, même s'il dit, il en laisse tromper. Parce que le Seigneur lui dit que son amour en quelqu'un consiste à conduire cette personne à obéir à ses commandements. Ça ne va pas trop là-dedans. Son amour conduit quelqu'un à obéir à ses commandements. Il a donc dit que celui qui l'aime garde ses commandements. Celui qui ne l'aime pas, il ne se gêne pas pour garder ses commandements. Mais si tu ne l'aimes pas, il y a un problème avec toi. Parce que 1 Corinthiens 16, 22 dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. C'est l'une des fois les plus grotesques que dans le Nouveau Testament, c'est écrit brut comme ça. Donc les deux choses l'une. Tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ, tu es maudit. Tu ne l'aimes pas, tu as des problèmes. Si tu l'aimes, tu ne peux pas te tromper parce que tu dois l'aimer selon les règles. Et si tu l'aimes, on va tester. Comment tester? Marches-tu d'après sa parole? Tu ne peux pas fumer la cigarette, tu dis que Dieu a dit seulement crois seulement. Et puis tu dis, la Bible déclare là-bas que c'est que Dieu fait de sanctification. Il va te nettoyer de quoi? Pose-toi la question sur la feuille. La sanctification consiste dans le nettoyage de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Tu vas, grand un, mon corps, de quoi est-ce que j'ai besoin de nettoyage? Alors là, tu vas savoir des listes de choses que Dieu va sortir devant toi. Mon âme, de quoi? Il dit, faites attention à la convoitise charnelle qui fait la guerre à l'âme. Quelles sont les choses qu'elle voit dans le monde? Ça me plaît. Note ça. Vous allez voir là où on en est. Tu vas dire que pourquoi un décès, tu vas regarder ton carnet là. Après, dit, pourquoi suis-je vraiment revenu dans ce monde? Vous devez faire ce travail pour votre âme. Vous devez faire ce travail pour votre esprit et pour votre corps pour savoir de quoi il est question de la vraie sanctification. Voici les préceptes qui sont donnés. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et 1 Thessaloniciens 6, au chapitre 5, le verset 23 dit que tout votre être, corps, âme et esprit soit gardé irrépréhensible à la venue du Seigneur Jésus. Irrépréhensible. Tu vois Jacques Boyce, parce que dans la nuit, tu deviens Jacques Boyce. C'est toi qui cours dans le film, pour tuer les gens. Parce que ça absorbe ton âme. Vous saisissez? Hein, mais bien aimé. Un temps, tu vois Nolou, juste parce que tu joues même l'acteur dans le film, dans la nuit. Nolou, c'est toi qui étais là-bas au Nigeria pour jouer maintenant. Pourquoi? Parce que les pensées sont absorbées. Rêver pour le royaume, c'est un problème. Quand tu rêves, si c'est pour le royaume, c'est que c'est le feu que tu vas voir. Bon, avançons ici. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Point virgule. C'est que vous avez suivi? C'est l'apôtre Paul qui a donné l'instruction. C'est que vous vous abstenez. Soulignez le mot abstenir. C'est que vous vous absteniez quoi? De l'impudicité. On doit s'abstenir, donc arrêter de faire, s'empêcher de faire. Il dit ce que Dieu veut, c'est ça. Souvenons-nous de ce que nous avons lu la dernière fois. Lorsque nous lisions ici, 2 Pierre au chapitre 4, nous parlions de Lot, de son âme juste qui était tourmentée au milieu de ce peuple corrompu. Après, il a dit que le Seigneur s'est délivré le juste des tribulations, des tentations, n'est-ce pas? Et réservé les impies pour être punis au jour du jugement. Après, il dit, ceux surtout qui courent après la chair dans les désirs d'impurité. C'est ce qu'on avait lu. Donc, le péché sexuel, c'est terrible devant le Seigneur. Sur toutes ses formes. Il dit, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, ça veut dire que si quelqu'un a un obstacle devant lui, que c'est l'impudicité, la Bible nous donne l'ordre ici de s'abstenir. Pourquoi? Parce que ceci, c'est de l'extérieur. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, c'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc, vous devez maîtriser votre corps. Vous devrez le faire. Ça me surprend donc qu'on lise comme ça, on peut traverser là de l'intérieur, on met le couleur chapeau, on traverse. Pourtant, on est en train de donner les instructions, que ce sont les préceptes divins ici, que nous devons suivre. Sainteté, ce que je sache maîtriser mon corps dans la sainteté. Alors pour les femmes, ça veut dire quoi? Ça suppose qu'il ne faut pas que je m'habille et que quelqu'un puisse me convoiter. Il faut que j'enveloppe ce corps pour que ça ne soit pas source de convoitise et d'impurité. Vous voyez les choses que ça implique, n'est-ce pas? Si je suis un homme, il faut que j'en fasse autant pour que je ne tire pas l'attention de quelqu'un. Où est-ce qu'il en est, n'est-ce pas, frère? C'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer. Vous avez vu? Dans un livre, si quelqu'un fait, c'est lui qui se livre. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, si les païens font quelque chose, tu fais dans la passion de la chair, vous êtes identique. S'ils sont condamnés, tu es condamné. Souvenez-vous, ce sont les institutions que il a commencé par dire c'est ce que Dieu veut. Puis il a décidé c'est que. Vous allez le suivre, bien-aimé. Me suivez ici. Ok, suivons ici. C'est que personne n'use envers son frère des fraudes, vous y êtes, et des cupidités dans des affaires. Mais c'est quand même terrible. Vous avez vu ça? Soulignez, puis je vais vous parler. Toutes les fois où vous avez été malhonnête entre les frères, d'abord, résolvez ces problèmes. Si vous avez menti un frère ou une soeur d'une certaine façon, menti pour qu'elle puisse donner de l'argent, souvenez-vous, Dieu a vu cela. Souvenez-vous, vous devez régler ça ce soir, c'est avant de sortir. Il dit, si vous avez menti à quelqu'un, dit des choses, des histoires, pour que cette personne-là puisse vous donner de l'argent, faites attention, il dit que c'est que personne n'use des fraudes envers son frère et des cupidités dans les affaires. Vous faites les affaires, des marchandages, tu trompes ton frère. Faites attention, souvenez-vous de Romains chapitre 13, verset 8, où il est dit que ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Vous devez rembourser vos dettes. Vous devez restituer les choses malhonnêtement acquises. Vous devez le faire. C'est un impératif. Sinon, vous avez Dieu devant de vous. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà attesté. Vous avez vu? C'est le Nouveau Testament ici. Deux fois dans le Nouveau Testament, ils vont parler de ces choses. Dans le livre de Jacques, parlant de ceux qui moissonnent dans le champ des riches, on les traite, il dit que voici le salaire de ceux qui ont, des ouvriers qui ont moissonné vos champs, dont vous avez frustré, cri. Et le cri est monté dans les oreilles de le Seigneur des armées. Quand on l'appelle le Seigneur des armées, ça veut dire qu'il faut faire attention, le Dieu du jugement. Mais pourtant, nous sommes sous la grâce. Ici, l'apôtre Paul dit que nous avons attesté comme ça, nous avons dit que Dieu tire vengeance de ces choses-là. Donc, c'est pour dire quoi? Régler ces problèmes, c'est pour que le Dieu du vengeance ne vienne pas sur vous. Avez-vous été malhonnête dans les transactions? Réglez la situation. C'est quand même terrible qu'un frère puisse faire vendre quelque chose à un autre frère, il multiplie. Le mensonge dans le business. Tu as acheté à combien? Acheté à 4 000. À toi, il te vend ça à 8 000 seulement. Alors qu'il a acheté comme ça, là, peut-être à 2 000. Fraude dans les affaires. Vous me regardez comme ça, là, vous ne me parlez pas. Allez réfléchir, chacun suit sa part. Donc vous avez des malhonnêtetés à enlever. Jésus indique tout simplement les façons pour que vous enlevez les obstacles. C'est tout ce que je sais faire. J'indique seulement. C'est des obstacles à enlever. Enlever pour avancer avec le Seigneur. Sinon, vous ne bougerez pas. Vous montez, vous fuyez en disant que ici on bavarde trop. On dit trop ces vérités-là. Fuyez, vous allez n'importe où. Tant que vous n'aurez pas enlevé ça, vous n'avancerez pas avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand c'est hors d'ici, il ne dit pas qu'à partir de maintenant, j'oublie les malhonnêtetés. Non. Ça doit être enlevé. Parce qu'il a déjà dit qu'il tire vengeance de ces choses-là. On peut avancer. Notez. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Notez 1 Corinthiens parce que je vais aller rapidement. Notez le verset 13. Notez d'abord le verset 9 et 10. Point virgule. Puis 13 à 20. Donc 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 et 10, puis les versets 13 à 20. Notez cela. Vous êtes avec moi? Bon, ouvrons maintenant 1 Pierre chapitre 4. Notez 1 Pierre chapitre 4, nous allons lire des versets là-dedans. Et puis on va avancer. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous voyez comment la famille est partie, n'est-ce pas? La famille n'est partie, pas vrai, bien-aimé? On peut pas continuer le deuxième jour, l'autre jour comme ça. Hein? Ils vont là maintenant dans le ventre. 1 Pierre chapitre 4. Lisons doucement et laissons seulement le Saint-Esprit nous guider, selon qui va nous guider. Vous êtes avec, vous êtes d'accord? Suivons. Ainsi donc, il dit 1 Pierre chapitre 4, aidez quelqu'un qui ne sait pas ouvrir à côté de vous d'ouvrir. Je veux que chacun de nous, que nous soyons à la page, nous suivons ces choses-ci. 1 Pierre au chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi. Souvenez-vous de ce que vous allez voir toujours ce même principe dans le Nouveau Testament. Il y a un rôle, il y a ce que Dieu a fait, il y a ce que nous devons faire. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi. Vous avez vu? Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Vous entendez ça? Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est pour dire quoi concrètement? C'est pour dire que les choses du monde qui s'attachent à nous pour nous pousser au péché sont des choses délicieuses. C'est couper de cela, ça va faire du mal à la chair. Priver de ces choses-là vont faire du mal à la chair. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ces cas-là. Comme quelqu'un ici se bat avec le jus, il a dit que le jus, quand tu bois ça, tu fais ah, le jus, mais en buvant. Souviens-toi qu'il a dit qu'à l'intérieur se trouve le poison. Souviens-toi, à l'intérieur se trouve le poison. Donc tu portes le diabète, tu dis que je bois le diabète. On a dit que c'était combien? 65 centilitres, ça fait peut-être 15 morceaux de sucre. Tu bois 2, ça fait 30 morceaux de sucre. Donc tu as dit que le diabète vient à grands pas. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, frère, on ne peut pas couper doucement. Ça dit qu'on ne peut pas enlever le diabète seulement doucement. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du précepte divin. C'est à vous de voir. Donc il dit que Christ aussi a souffert dans la chair. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est comme ça. C'est comme ça que vous commencez à être sec. Quelqu'un devant vous boit cloc, ça fait glou. Ça ne te dit absolument rien. C'est ça dont il est question. Ça veut dire que tu ne dis pas que il faut que tout ma tête, sinon je vais avoir des désirs. Si c'est comme ça, tu as un problème. Ça se trouve à l'intérieur, tu es en train de boire en silence. D'accord, frère? Tu es en train de boire en silence. Vous savez, quand je viens de connaître ma femme, quand je jeûnais, je l'amène souvent au restaurant. J'avais mes deux, mais je l'amène au restaurant, on s'asseyait comme ça. Elle boit devant moi, elle boit. Vous savez, les restaurants sénégalais, là, les odeurs, avant, quand tu t'assois là-bas, les odeurs peuvent dégifler. On s'assoit, elle mange, elle me regarde. Elle dit, comment tu fais? Il dit, c'est ici le moment. Si tu fuis les épreuves, tu ne peux pas avancer. On ne peut pas composer, fréquenter, s'il jusqu'à coup moyen de moment de l'examen, vous fuyez, vous partez. Vous fuyez, vous partez où? Après, quand on va te dire que tu es au-dessus, j'ai fait le coup moyen de. On dit épreuve. Donc, il faut qu'on te teste si oui ou non tu as assimilé. Alors, tu en es déjeuné, tu fuis la nourriture. Tu fuis. Il y a un frère, il n'est même pas ici. Il y a un frère qui est venu parce qu'il avait le problème. Il fallait le délivrer d'un esprit. Là, il est venu à la maison. Il dit, couche-toi là 3 jours. Il s'est couché là-bas 3 jours. Il dit à ma femme, prépare-moi le ndolé. Elle prépare le ndolé. Il dit, frère, viens t'asseoir. Il croit qu'il devait le servir. Il dit, mangez comme ça. Il mange le frère avant la salive. Il dit, frère, ça va, tu avances là. Il a supporté comme ça. Son corps faisait trembler comme ça. Il dit que ça ne fait pas. J'ai froid. Il dit que non, couvre-toi, ça va aller. Alléluia. 3 jours après, il a été libéré totalement et absolument. Amen. 3 jours. Non, ne vous inquiétez pas, il viendra là. Parce que son problème, c'était le jeûne. Dans le jeûne, moi je mange, Dieu s'occupe de lui. Vous comprenez? Parce que l'institution, c'est qu'il jeûne 3 jours. Il jeûne 3 jours. Est-ce que je vais lui donner ma nourriture? Donc, alors il était là devant. Même si je voudrais lui donner, je ne peux pas moi enfreinter la loi. J'ai mangé au devant de lui manger. Il faut, donc, je dis pourquoi? C'est pour dire quoi? Vous jeûnez, n'ayez pas peur des épreuves. Il ne faut pas que quelqu'un soit là-bas à la cuisine maintenant avec un bout de pain. Vous sentez, ton nez commence à être. Tu fais comment faire là comme le chien? Il faut que vous soyez de terre enceinte que si quelqu'un mange à côté de vous. Il dit, ma femme s'asseye devant moi, elle mange les salades et autres là-bas, elle mange, elle finit, elle boit, il reste tranquille, il dit, finit, on part. Elle bouge toute la tête comme ça, que c'est sûr que le gars, ce n'est pas normal. Je suis normal. Mais souvenez-vous, on va doucement dans ces choses-là. Parce que quand j'ai connu le Seigneur, ma nourriture préférée était les jeûnes. J'ai jeûné 3 jours à sec, en plein 14 et je joue au ballon avec les gens. Après, quand le ballon finissait en plein soleil, c'est eux qui fuyaient pour aller à l'ombre pour aller brûler. Ils disent, finissez, venez ici, on va jouer. 3 jours sans manger, sans boire. Je finis comme ça, je me lave, je continue là comme ça, je prêche. Vous formez votre corps comme ça, votre corps va répondre comme ça. Et alors, la Bible déclare donc que Christ a fini. Souvenez-vous de lui, dans Ésaïe chapitre 50, on dit qu'il était habitué à la souffrance. Donc, c'est quelqu'un que il était agrégé en souffrance, le Seigneur Jésus. Donc, il était diplômé en calomnie. Il a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? On dit, l'autre dit que tu égales le peuple. Et ça fait quoi? Il égale le peuple. Ben, si c'est parce qu'il n'égale pas le peuple, ça ne lui dit absolument rien. Il dit, ce qui est important, c'est ce que vous pensez de moi. Parce que vous êtes les miens. Vous comprenez, frère? Donc, n'ayez pas peur que ces choses vont vous prendre. Il dit ici que Christ a souffert dans la chair. Vous aussi, amenez-vous de la même pensée. Donc, préparez-vous à souffrir. Le péché. Écoutez bien là. Le péché, la chair s'accroche sur le péché et le péché est délicieux à l'âme. Si le péché était amené à l'âme, toi-même tu accepterais quitter. C'est parce que c'est sucré que tu t'y attaches. Vous suivez? Parce que c'est là. Pourquoi? Prenons un exemple. Vous êtes à la maison, on vient comme ça, quelqu'un vient pour vous arrêter. Vous savez que si vous dites la vérité, on va vous arrêter. Vous dites, on vous dit mensonge, si vous mentez là, on va vous laisser. Vous faites quoi? Vous mentez parce que vous savez que le mensonge, vous pouvez sortir de la situation. Mais Christ se tient donc là-bas devant. Il suffisait qu'il dise qu'il n'est pas le fils de Dieu, on devait le libérer. Mais il aurait menti, frère. Il a dit que je suis le fils de Dieu, je le suis. L'autre a déchiré son vieux comme ça. Quoi? Que vous avez entendu, non? Un planchard, celui qui portait le planchard, il marchait sur la terre là-bas, il dit qu'il est fils de Dieu. Homme de la terre, un tel homme. Mais pourtant, il disait la vérité. Donc maintenant, on dit qu'il faut quand même mentir, même si c'est pour sauver. Vous comprenez ça, frère? Il n'y a point de mensonge qui vient de la vérité. Donc, je suis en train d'expliquer la tâche du péché pour vous comprendre pourquoi l'apôtre Pierre dit ici que armez-vous de la même souffrance, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Donc, ça veut dire que les épreuves que tu souffres dans la chair, si tu refuses tes cheveux, nous parlons des jus. Il y a des femmes, par exemple, dont le problème c'est le maquillage. Quand elle va laisser le maquillage, elle va voir les taches noires. Elle va comprendre sur son corps. Le désir sera là pour faire. Si elle traverse cette étape-là, vous vous moquez d'elle, elle saura qu'elle est juste devant le Seigneur. Alors là, elle en a achevé avec la chair. Par rapport à ces domaines-là. Donc, identifiez les domaines dans lesquels votre cœur est attaché et crucifié. Identifiez et crucifiez. On avance ici. Je suis en train de faire comme ça pour que quand nous allons prier, que ça soit facile. D'accord? Afin de vivre. En fait, la phrase continue. Écoutez maintenant. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre non plus selon les convoitises. Vous avez vu, n'est-ce pas? S'il y avait lui, cela, il me serait arrêté, mais depuis, pour nous expliquer toutes ces choses-là. Non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté. Souligner selon la volonté de Dieu. Je crois que tout à l'heure, nous sortions dans un passage où on a parlé de cette volonté-là, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a dit tout à l'heure que c'est ce que Dieu veut. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous nous abstenions des choses, des convoitises passionnées, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, nous ne devons pas vivre comme ça. Donc, pour que ces choses se passent sur nous, il faut que nous ayons la victoire, que notre chair n'est pas, que ça n'a pas d'emprise sur nous. Ah, c'est un poule mouillé, il ne peut même pas boire même un jus. Il n'y a pas de problème. Bois. Pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc vous comprenez effectivement que vous êtes en train de vivre dans cette chair-ci, n'est-ce pas? Vous comprenez que nous sommes en train de vivre dans cette chair-ci. Et dans cette chair-ci, pendant le temps que nous avons encore à vivre, nous devons faire attention que cette chair-ci soit sanctifiée. N'est-ce pas, frère? Continuons. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Donc, c'est pour ça que dans ces Éphésiens que j'aime tant, Éphésiens chapitre 4, verset 17, dit que j'ai dit donc, voici ce que je dis et ce que je recommande dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les. Vous ne devez plus. Donc là, ça doit radicalement changer. La façon doit radicalement changer. Il dit ça, c'est assez en effet, depuis longtemps, vous avez, depuis longtemps, on accomplissait les volontés des païens. Comment ça veut dire qu'on sera dans le Seigneur maintenant, on sera toujours en train d'accomplir la volonté des païens? Ça ne doit pas être ainsi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mesure vraiment le prix à payer. Il y a des choses à perdre. Il faut des séparations. Les styles de vie doivent changer. Les styles de fréquentation doivent changer. Le style de langage doit changer. Et pour cela, il faut que vous restiez dans la méditation pour savoir que ceci ne plaît pas à Dieu. Quand on touche la langue, il dit que personne, quand on parle, que quelqu'un lorsqu'il parle, ça fait du bruit là-bas dehors. Que quelqu'un lorsqu'il parle, qui déclare les oracles de Dieu, qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais nous ne parlons pas de paroles mauvaises comme ça au milieu de nous. Quand nous sortons, nous insultons les gens jusqu'à ce que si on les achète, on les vend, on ne peut pas acheter. Il faut que ça sorte. Il faut que ces choses-là nous libèrent. D'accord, frère? Amen. Il dit, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, virgule, les convoitises, virgule. Frère Donald, tu es où, frère? Le frère Donald est sorti de l'assemblée. Il s'en est parlé comme ça. Lui, il est hors de l'assemblée. Il voit comme ça, comment ça vit, comme ça, il défie comme ça, que je suis fini ici dehors. Frère, donne-moi courage, d'accord? Courage. Il dit, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, virgule, la convoitise, virgule, l'ivrognerie, virgule, les excès du manger et du bois. Les frères qui aiment les fêtes, là. Et les excès du manger et du bois et les idolâtries criminel. J'aimerais que ces mots-ci, vous faites des recherches dans la parole pour savoir de quoi le Saint-Esprit nous parle. aussi trouve-t-il, on parle comme ça des païens. Voici la conséquence. Lorsque vous allez prendre cette position, c'est la position où votre chair a été déjà crucifiée véritablement, comme on a parlé pour le Seigneur Jésus là. Lorsque vous allez prendre cette position-ci, la Bible nous enseigne ce que les païens vont dire de nous. Et c'est lorsque nous allons arriver à ce niveau, si nous allons comprendre que nous sommes dans la voie de Dieu. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement des débauches et ils vous calomnient. Nous sommes arrivés à cette étape-ci. Nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape-ci, nous avons des problèmes. Nous sommes similaires aux païens. Il a dit que quand vous allez prendre cette position-là de crucifixion, c'est signe, ne prends pas. Pourquoi tu penses quoi? Tu prends un peu, ça va faire quoi? Ça ne te fait rien. Toi, prends, moi je ne prends pas. J'appartiens à la classe des sacerdotes royales. Mon corps doit être saint au là-bas. Si tu sais que ça va le scandaliser, ne l'explique même pas parce qu'il est écrit ici qu'on ne donne pas les choses saines aux chiens. Il ne doit pas comprendre. Tu n'as pas d'explication à lui donner. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous avancez. Après, quand il va s'asseoir avec elle comme ça, vous dites que Tchabdallah, on a sucé son cerveau. Quelque chose ne va pas. Tu ne vois pas que depuis il a changé, quelque chose ne va pas chez lui. Quand les païens disent ça, sache que tu es en règle avec le Seigneur. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Il dit que aussi, trouve-t-il étrange que ce n'est pas normal? Trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux, donc vous ne vivez plus comme dans ce style de vie, dans le même débordement des débauches et ils vous calomnient. Verset suivant dit, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé au monde afin que, après avoir été jugé comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Gardez ces versets pour que je vienne vous donner l'explication de ces jours parce que je sais que ça pose problème à beaucoup de personnes. Maintenant, avançons au verset 7 là. La fin de toutes choses est proche. Maintenant, suivez l'instruction. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Mais quand même, c'est quand même terrible ça. Vous saisissez ça, frère? La fin de toutes choses est proche. Quelqu'un dit qu'il faut que je sois riche. Dieu va comprendre sur la terre. Je suis le roi sur la terre. Il faut que je fasse. Il dit hey, fais attention. La fin de toutes choses est proche. Sois plutôt sage. Rends-toi plutôt à la prière. Concentre-toi dans la prière, parce que dans la prière, Dieu va éliminer certaines choses. Dieu va enlever certaines habitudes. Concentre-toi dans la prière. Quelqu'un dit qu'il veut bâtir les empires sur la terre. Faisons attention. La fin de toutes choses est proche. Soyons sages et sobres pour. Donc, ça veut dire que choisissons le bon côté. Faisons le bon choix. Choisissons du côté de la prière. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Puis, il dit quoi, verset 8? Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, donc un amour ardent. Car l'amour, la charité couvre une multitude de péchés. Verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans souligner. Ce que nous sommes en train de lire là, ce sont les indications pour enlever les obstacles. J'espère que vous comprenez. Quand nous serons dans la prière prosternée là, Seigneur, j'ai murmuré contre telle personne, j'ai murmuré contre telle personne, présentez-le lui et enlevez. Vous ne dites pas que j'ai oublié. Parce que vous oubliez, ce n'est pas vous qui jugez. C'est Dieu qui juge. La seule façon pour lui d'ôter l'obstacle, c'est que ça soit couvert par le sang du Seigneur Jésus. Il faut que le sang de Jésus passe là-bas. Si ça ne pas passer là-bas, vous allez avoir des problèmes. Vous suivez? Ok. Ne laissez rien mettre un obstacle entre vous et Dieu. Ne laissez rien. Tant que ça dépend de vous, enlevez cela. Tant que ça dépend de vous, enlevez cela. Ne permettez pas que quelque chose vous rende ces choses-là. Ne permettez pas. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Je veux que vous encadrez le verset 10 et vous posez une question. Depuis que vous avez cru, qu'avez-vous reçu de Dieu? C'est la première question. Ce que vous avez reçu, les mettez-vous au service des autres? Il dit, comme des bons dispensateurs. Celui qui dispense, c'est celui qui donne, celui qui distribue. Dispensateur des diverses grâces de Dieu. Donc, il n'y a pas une seule grâce. Il y a différentes grâces. Chacun reçoit selon le don de grâce que Dieu lui a donné, comme Romains 12, 3 le dit. Comme les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Vous avez vu ça, frère? Qu'avez-vous reçu? Mais les mettez-vous au service du Seigneur? Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles des dieux. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Vous avez vu ça? Donc ne soyez pas surpris de ces choses qui nous arrivent. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc ça veut dire que si nous sommes éprouvés de la bonne manière, nous sommes en train de nous éprouver comme ça à cause de Christ, n'est-ce pas frère? Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, virgule, l'esprit de Dieu repose sur vous. Vous avez vu ça? Verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Vous avez entendu? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Soulignez. Donc, il y a les souffrances selon la volonté de Dieu. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Vous avez vu? Donc dans la souffrance, faites du bien. Dans la souffrance, faites du bien. Vous avez mon frère? On peut avancer? J'espère que vous avez compris l'essentiel. Enlever tout obstacle que nous pouvons enlever. Confesser ce que nous pouvons confesser. Agir physiquement et promptement pour ce qui est physique et prompt. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, si vous le faites maintenant, je crois qu'il y a des passages là que nous pourrons voir. Notez le psaume 105. Notez. On va parcourir quelques-uns là maintenant. On va parcourir les Écritures. Psaume 105, verset 1 à 4. Nous allons lire cela. Notez. Vous pouvez noter, puis on va commencer. On va y aller. Si vous avez noté, vous me dites, j'avance. C'est bon? Mm-hmm. Notez le psaume 69. Merci, Père. Psaume 69, les versets 30 à 33. Psaume 69, versets 30 à 33. Nous allons les lire. Si vous finissez, je donne encore. C'est bon? Notez Amos, le livre du prophète Amos. Le livre du prophète Amos, chapitre 5, les 4 premiers versets. Notez 2 Corinthiens, chapitre 7, les 2 premiers versets. 2 Corinthiens, chapitre 7, les 2 premiers versets. 2 Corinthiens 7, versets 1 et 2. Donc, j'ai dit psaume 105, verset 1 à 3, n'est-ce pas? Psaume 1 à 4. Psaume 69, verset 30 à 33. Amos, chapitre 5, verset 1 à 4. Le livre du prophète Jérémie. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11 à 13. Ésaïe 55. Donc, bon, commençons par cet ordre, dans l'ordre dont j'ai donné là. Ah, c'est merveilleux seulement ce qui est contenu dans cette Bible. Donc, nous commençons par le premier. Ésaïe 55. Je vais vous donner le verset tout à l'heure. Bon, on va avancer. Notez Proverbe aussi, chapitre 1, Proverbe chapitre 1, verset 8 à 23. Vous prendrez le temps pour lire cela. Je vous ai parlé du livre du prophète Amos, prophète Jérémie aussi, n'est-ce pas? Merci, Père. Maintenant, psaume 105, commence ainsi. Louer l'Éternel. Invoquer son nom. Vous avez vu? Psaume 105. Verset 1 dit, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Verset 2, chantez, chantez en son honneur. Vous voyez ça, frère? Parlez de toutes ses merveilles. Je vais vous expliquer ce qu'il en est là maintenant. Parlez de toutes ses merveilles. Verset 3, glorifiez-vous de son saint nom. Écoutez maintenant. Que le cœur de ceux qui le cherchent fasse quoi? Vous avez vu ça? Souligné. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Puis au verset 4, il dit quoi? Ayez recours à l'Éternel et à son. Cherchez. Cherchez. C'est-à-dire, on cherche comment? Cherchez continuellement sa face. Si vous prenez le temps de lire le livre du prophète Daniel, vous allez voir que Daniel cherchait Dieu de façon perpétuelle. Il y a un moment où il était dans des situations où même la personne même qui a créé le problème ne pouvait plus résoudre le problème. Le roi a donné la sentence que la personne qui va faire telle chose soit jetée dans la fosse au lion. Quand il a signé ça, c'était irrévocable. Lui-même ne pouvait rien faire. Lui-même est venu dire à Daniel que puisse ton Dieu que tu pries, que tu pries avec persévérance, puisse te délivrer. Qu'adviendrait-il si Daniel trompait seulement la façade des gens, les façades? C'est-à-dire que s'il était dans cette situation-là et que dans sa dévotion, dans sa recherche de Dieu, il n'était pas sérieux. Ou dans sa recherche de Dieu, il vivait double vie. Ou bien dans sa recherche de Dieu, il marchait, il trompait les gens en face en disant que je prie Dieu alors qu'il ne prie pas. Dans cette situation, ce serait-il sauvé? Faites attention. Il dit ici, ayez recours à l'Éternel. Cherchez son appui, cherchez continuellement sa face. Puis il dit que les gens qui cherchent leur cœur vont se réjouir. Je ne sais pas si vous saisissez. Mais il commence par dire que racontez ce que vous faites. Glorifiez-vous de son saint nom. Donc, rendez grâce à Dieu de fait même que vous soyez appelés de son nom. Rendez d'abord grâce à cela. Chantez pour lui. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19, là, il a dit qu'on se édifie avec les psaumes. Ok. Cherchez, gardez cela, cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous, c'est ce que l'apôtre Paul, Jacques a dit. Il a dit que humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, il vous élèvera au temps. Donc il y a un temps pour cela. Passez seulement le temps devant lui. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Nous avons lu la dernière fois dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le premier verset, où il nous a dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, qu'on fasse quoi? On s'enfuit de lui, n'est-ce pas? Ou bien qu'on se suffit, c'est ça? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, rapprochez-vous de lui, avancez encore davantage. C'est ça que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas? Donc je lis Somme 100, nous allons finir le Somme 105, versets 1 à 4. Maintenant, nous continuons au chapitre 69 maintenant. Il est verset 30 à 33, n'est-ce pas? Somme 69. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Vous avez moi? Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Verset 32. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau. Vous suivez ça? Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau. Avec des cornes et des sabots. Verset 33. Les malheureux le voient et se réjouissent. Puis il dit, vous qui cherchez Dieu, que votre cœur... Notez. Vous qui cherchez l'Éternel, que votre cœur fasse quoi? Vive. Donc il y aura un contact avec le cœur. Souvenez-vous de ce que le psalmiste a dit dans ce psaume 25. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Il dit comme ça à l'homme selon son cœur. On avance. Prochaine lecture, c'est quoi? Amos chapitre 5. Bon, comme vous aurez du mal à trouver Amos, dans Amos chapitre 5, il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. Ne cherchez pas Bathsheba. Vous avez vu ça dans votre Bible? Parce que Amos là maintenant, vous aurez des problèmes. Tout juste après le prophète Joël, Amos, ceci pour chapitre 5. Il va directement verset 4. Vous y êtes? Car ainsi par, je suis au chapitre 5, verset 4 maintenant. Il va directement verset 4. Vous y êtes tout le monde dans Amos. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas par Bathsheba, car Gilgal sera captif, Bethel sera anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Vous êtes là? Qu'est-ce que Dieu vient de dire? Dieu vient de dire, ne cherchez pas un lieu. Ce n'est pas un lieu qu'il faut chercher, il s'agit d'une personne qu'il faut chercher. Le contact, c'est avec une personne. Il ne s'agit pas d'être dans un lieu pour avoir la personne, non. C'est pas le lieu qui est le problème. C'est la personne. Il faut le chercher lui. Pourquoi? Parce que c'est confié à Bethel. Parce que Bethel, Bathsheba, Gilgal et Mahanaïm sont les lieux de ces manifestations. Siloé. Vous saisissez, n'est-ce pas? Il va leur dire plus tard que allez à Siloé, regardez les lieux qui m'étaient consacrés. Comment j'ai traité cela? Pour dire que ce n'est pas le lieu qui est le problème. Il cherche le contact avec le cœur. Il cherche le contact avec le cœur. Donc, ne vous méprenez pas. Cherchez. C'est une personne que vous en êtes de vouloir chercher. Cherchez cette personne-là. Et souvenez-vous, si vous ne parvenez pas à créer le contact, gardez ceci à l'esprit. Gardez ceci à l'esprit. Dites-lui, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Dites-lui cela. Parce que sans la foi, impossible d'entrer en contact. Vous devez croire simple comme bonjour, comme il a dit que cherchez-moi et vous vivrez, comme il le fera. Prophète Isaïe, Jérémie, là. Jérémie, chapitre 29. Je vais vous donner Esaïe 55. Comment? 2 Corinthiens 7, vous allez lire cela, les deux premiers versets de 2 Corinthiens 7. Est-ce qu'on va prier là maintenant? Verset 11 à 13 là. Chapitre 29 de Jérémie, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Est-ce que nous connaissons ces projets? Dans le Nouveau Testament, il dit ceci, vous êtes son ouvrage. La personne de qui on parle ici, c'est de lui dont il est question. Vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Si nous sommes en Christ, il nous y a positionné dès la fondation du monde. Après, il dit que destiné pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, n'est-ce pas? Il dit ici, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est Dieu qui connaît. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers lui. Regardez la réaction avec l'apôtre Paul. Premièrement, bam, sol, il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Que vais-je faire? Maintenant, là, comme je suis fini comme cela, qu'est-ce que je dois faire? Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Ici, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Puis il dit quoi? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez à condition que vous me cherchez de tout votre cœur. Vous voyez la nécessité de ne pas avoir le cœur séparé et disloqué, n'est-ce pas? Donc, si Dieu, on cherche Dieu, on ne le trouve pas, les deux choses l'une. Le cœur n'y est pas appliqué ou il y a les obstacles. Le cœur est départagé ou bien il y a les obstacles. Donc regardez les deux directions. Les obstacles doivent être enlevés d'une part. De l'autre côté, vous devez vous Souvenez-vous de ce que nous avons commencé là dans l'Ude 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Il dit qu'il faut que l'âme soit bien disposée, le cœur tout entier, n'est-ce pas? Il faut que le cœur soit entièrement à lui. Pourquoi? Notre vie de maintenant, de futur, de lendemain, et puis de l'éternité dépend de ce contact-là. Parce qu'avec ça, si vous connaissez exactement le plan de Dieu pour vous, vous vous attelez à faire cela, c'est comme si vous êtes maintenant sur les lauriers. Vous accomplissez seulement cela. Alors si quelqu'un vous fait du mal dans le plan de Dieu, vous dites gloire à Dieu, vous ne murmurez plus. Si on vous enlève du travail à cause de cela, gloire à Dieu, parce que c'était prévu que ça arrive ainsi. Nous suivons, bien-aimés. Vous comprenez? Il dit, vous me chercherez. Verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 14, la partie A, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Vous avez la partie A, n'est-ce pas? Je me laisserai trouver par vous. Parce qu'en réalité, la Bible révèle que notre Dieu est un Dieu qui se cache. Il décide de se cacher. Il laisse le temps à l'homme de chercher. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Dans les Écritures, il a dit ça partout. Nous, c'est un Dieu qui se cache. Notre Dieu est un Dieu qui se cache pour se faire trouver. Donc il joue cache-cache avec nous. Qui veut jouer au cache-cache avec Dieu? Vous voulez jouer au cache-cache avec lui? Vous savez, quand les enfants jouent le cache comme ça là, quelqu'un, quand l'enfant fuit naturellement, il passe caché sous le lit. Il sait qu'il ne doit pas se retrouver. Quand tu ouvres les yeux maintenant, que Dieu, oh, Jean, comment vous appelez? Jean, où es-tu? Mais voici. Dieu, où es-tu? Il ne dit rien. Dieu, où es-tu? Parce qu'il sait que tu dis, moi, voici, tu vas repérer là où il se trouve. Comment quelqu'un peut se cacher? Tu dis que Jean, où es-tu? Il dit, mais voici, il est caché. Donc, jouons au cache-cache avec Dieu. Il dit qu'il se laissera trouver. Donc, quand on dit, Dieu, où es-tu? Il va dire quoi? Mais voici. Souvenez-vous d'Ésaïe 58. Il dit que si tu enlèves tout obstacle, si tu enlèves le problème, si tu enlèves, tu enlèves les menaces, il dit, lorsque tu crieras, l'Éternel te dira, mais voici. C'est pas ce qu'il a dit, frère. Chapitre 55, donc, d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe. On va s'arrêter là. Cette même parole aussi est donnée depuis qu'on enlève tout obstacle devant mon peuple. Tout obstacle. Qu'on enlève tout obstacle devant mon peuple. C'est ce qu'il dit. Ésaïe, chapitre 55. Verset 6 et suivant. Ésaïe, chapitre 55, verset 6 et suivant. Cherchez les pasteurs. Non. Cherchez l'église ointe. Cherchez un grand prophète. Non. Vous avez vu le verset 6 là? Non. Votre version ne dit pas comme ça. Non. Qui? Vous êtes sûr que c'est ce qui est écrit? Non. Je vois ici verset 6. Cherchez les prophètes ointes de Dieu. Non. Cherchez les prophètes de votre génération. Il y cherchait l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc il a disposé le moment où il va se révéler. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Puis il va montrer encore ces mêmes choses que nous sommes en train de faire ici. Que le méchant abandonne sa voix, donc c'est un obstacle. Vous avez vu ça, n'est-ce pas, frère? Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Vous avez vu? Donc, il y a la façon de marcher, puis il y a la façon de penser qu'il faut que ça soit renouvelé. Notre façon de vivre, notre façon de penser doivent changer pour qu'il se laisse trouver. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Mais souvenez-vous que la mauvaise voie, on ne peut pas le trouver en marchant dans ces voies-là. Souvenez-vous que vous avez des pensées iniques, vous ne pouvez pas le trouver en ayant cela. C'est ce qu'il a dit, le prophète là. Il dit qu'il retourne. Quand on dit quelqu'un retourne, mais voici qu'ils sont allés dans cette voie-ci, regardez bien comment ils sont allés. Quand je vais comme ça, ça suppose que j'ai abandonné l'autre voie derrière moi. Quand Dieu dit retourne, c'est comme ça. Vous avez vu? Donc j'abandonne cette voie-là. C'est pour cela qu'il n'y a pas de demi-mesure. Vous ne pouvez pas être comme ça avec le monde. Vous savez, Jacques Songo, quand il était gardien, vous savez ce qu'il faisait, non? Vous savez? C'est comme ça qu'il fait. Il sort, il ne sort pas. Ou bien il sort, ou bien il ne sort pas. Il avance vers le joueur qui est en train de venir avec le ballon. Tantôt il veut avancer, tantôt il veut avancer, tantôt il veut avancer en se tournant le ballon et dans le but. Ne faites pas ça avec Dieu. Soit tu sors, on marque derrière, ou tu ne sors pas, on vient vers toi, on marque. Vous devez choisir un camp. Dieu dit ici qu'il retourne. Il a parlé du méchant que le méchant doit abandonner sa voie, et l'homme aux pensées iniques ses pensées. Il dit qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Donc Dieu veut dire, si tu as eu de mauvaises pensées, ce n'est pas la fin. Si tu es marché dans les voies de la méchanceté et de l'iniquité, ce n'est pas la fin. Il est encore le même Dieu miséricordieux qui pardonne les iniquités. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner. Et retourner veut dire qu'on quitte la voie, le domaine, la façon de marcher ainsi. On se tourne vers Dieu pour avoir. Parce que quand vous tournez vers lui, on fait face à lui. Alors, on va chercher sa face. Désormais, c'est lui qui va nous donner maintenant les directives. C'est pour ça que la face, le face-à-face entre l'apôtre Paul et le Seigneur Jésus-Christ a réglé le problème de sa vie. Le face-à-face entre Jacob et Dieu a réglé le problème de sa vie. Vous suivez? Face-à-face avec Dieu, change de destinée. Ne comptez pas sur l'homme. Il n'a pas dit ici chercher un homme. Oubliez ce que les prophètes disent et les prophètes de ces maintenant disent que Dieu connaît vont confier vos prophètes. C'est dans le combat qu'il a dit à Josaphat, confiez vos prophètes. Ils sont confiés aux prophètes, ils ont eu la victoire. Votre problème n'est pas avec un prophète parce que le prophète lui-même doit régler son compte avec Dieu. Réglez votre compte avec le Seigneur. Amen. Réglez ça avec lui directement. Le prophète, même si le prophète peut faire n'importe quoi, tout ce qu'il peut faire, le plus grand c'est prophétiser sur toi. Le Seigneur restaure les sentiers détournés. Il enlève l'iniquité. Il met sa paix à l'intérieur. Ça, aucun prophète ne peut le faire. Le prophète peut au maximum te dire que la voie où tu passes, ce n'est pas bon. Dieu veut que tu passes comme ça. C'est tout ce qu'il peut faire. Souvenez-vous, lui-même, il allait manger. On lui a dit que ne mange pas là-bas. Il allait là-bas. Le lion l'a dévoré. N'est-ce pas? Donc, ça dit qu'il est susceptible à subir les mêmes sorts que toi. Mais Dieu est vivant. Il dit, retournez à l'Éternel qui aura pitié de vous. Donc, il est le Dieu qui est toujours miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne garde pas sa colère à toujours. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Donc, il a commencé au verset 6 à dire, cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc, il a décidé de montrer une certaine partie de lui, de se révéler. Continuons ici. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Par la suite, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire que ne crois pas que tu as péché, parce que tu as péché, tu dis que non, Dieu ne va pas me pardonner. Ce que tu penses là, c'est toi qui penses, ce n'est pas ce que lui pense. Il a dit qu'il peut, il fait cela. Mais ne fais pas cela pour revenir encore chaque fois devant son autel. Décidons aujourd'hui d'en finir avec et d'avancer avec le Seigneur. C'est trop là, c'est trop, on a perdu assez de temps. Plus le temps passe, plus l'âge augmente. Plus le temps passe, plus l'âge augmente. Et vous n'aurez pas le temps un jour de jeûner. Vous n'aurez pas le temps de persévérer. Donc, quand nous avons encore la force, soyons déterminés. Soyons déterminés. Regardez la prophétesse Anne. Regardez la détermination qu'elle a eue. Avant, avec son mari est mort, elle a décidé de rester comme ça. 84 ans dans le jeûne et la prière. Souvenez-vous, il y avait les classes d'Aaron là-bas, les classes ici. Dieu n'a pas allé là-bas de la révélation. Il a donné la révélation à cette femme-là qui était là âgée dans le jeûne et la prière. Elle a eu la bonté de savoir qui est le Christ de Dieu vivant. Souvenez-vous de Siméon. Il était là en premier. On dit qu'il était un homme juste et pieux. Divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point sans avoir vu le Christ du Seigneur. Venu poussé par le Saint-Esprit au temple, et le Saint-Esprit était sur lui, venu au temple. Il a porté cet enfant, il a prophétisé. Maintenant, il a dit que je vais maintenant quitter parce que j'ai vu. Vous comprenez cela, frère? Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils étaient persévérants. Ils étaient persévérants. Souvenez-vous de Corneille. Corneille qui était un centenier, un païen, il faisait toujours son aumône. Il faisait toujours son aumône. Il priait, il n'a pas eu de sensation la première fois qu'il a prié. Il donnait son aumône, il n'a pas eu de sensation, mais il avait la contact de la justice qu'il faisait avec le cœur. Parce qu'il faisait cela pas pour être vu des hommes. Il faisait cela parce qu'il aimait le Seigneur. Il aimait quelqu'un qui ne voyait pas. Et Dieu honore cela. Parce que tôt ou tard, il va se manifester. Souvenez-vous, la dernière fois, vous avez donné 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, on n'a pas lu. Il dit que soyez déterminés dans votre travail. Votre travail ne sera pas vain avec le Seigneur. Travaillez, continuez à travailler. Ça ne sera pas vain. Tout ce que vous aurez fait pour la vie spirituelle, pour le Seigneur, ça ne sera pas vain. Même si vous ne voyez pas le résultat maintenant que depuis le prix, plus le jeûne. Quel qu'en soit le jeûne que vous avez fait selon le Seigneur, ce n'est pas perdu. Aucun de ces points n'est perdu, c'est devant le Seigneur. Un de ces jours, quand il va se présenter, tu auras le sujet de te réjouir. Alors un de ces jours, il priait continuellement. Souvenez-vous de lui, de ces cornets-là. Il se dit continuellement. À 15h, un de ces jours, il s'est mis en prière. Une vision s'est présentée. Il dit, mais qu'est-ce que c'était son moment. Soumettez-vous au Seigneur et il vous élèvera au temps convenable. Vous ne savez pas à quel moment Dieu va se manifester. Quand il décide, il l'envoie. Daniel a pris 21 jours, il était comme ça. Il dit, oh Seigneur, pardonne nos iniquités, pardonne nos iniquités. Premier jour, il n'a pas eu de réponse. 21e jour, il est venu. Daniel, tu es un bien-aimé de Dieu. Car le premier jour où tu as eu à cœur, donc le simple fait que tu as eu l'intention de prier, Dieu a envoyé la nouvelle. Entendez ça? C'est terrible. Qu'adviendrait si laissait le premier jour, deuxième jour, que je suis à la table des rois. Nous sommes les grands de ce pays. Je me connais ça. Il n'y a pas le vin Kozyak là. Il n'y a pas le Baclé, Basquez. Il rentrait à la maison prier. Souvenez-vous de Nebuchadnezzar, le grand, le tout puissant sur la terre. Il était couché là, il dit que mince, qu'est-ce qui va venir? Je suis grand comme ça, c'est vrai. Chaque personne avait été grand. Ils sont morts. Moi, je vais mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Il pensait à cela. Le Saint-Esprit est venu lui donner le songe. Il pensait, un païen, il pensait seulement ce qui va lui arriver. Ce qui pourra arriver au royaume. Il dit, le prophète Daniel vient vers lui et dit que quand tu étais sur ta couche, il t'est monté à cœur à ce qui va toucher à la fin. Et le très haut t'a fait connaître cela. Imaginez Dieu venant se révéler, révéler tout le plan jusqu'à maintenant à un païen. Parce qu'il a seulement eu à cœur de le faire. Prenons ces choses à cœur. Prenons ces choses à cœur. Soyons déterminés devant le Seigneur. Votre rencontre devant le Seigneur est le plus important des objectifs que vous devez avoir devant vous maintenant. C'est votre mission la plus importante. Votre rencontre avec le Seigneur. Parce que si vous rencontrez le Seigneur Jésus-Christ, personne ne le détrompera plus. Vous vous tiendrez debout devant quelqu'un. Il va parler, parler. Vous entendez, il vous dit, il n'est pas de moi. Et ça va régler le problème. Je me tiendrai debout devant, vous parler. Il va vous dire que celui-ci n'est pas de moi, ou bien il est de moi. Vous saurez de qui il est question. Sinon, vous serez ballotté à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, tu entends quelque chose que je ne peux pas supporter, que ces paroles de Dieu, qui peut écouter, que celui-là, il ne m'amène pas où là maintenant. Sur quelle base tu le fais? Pourtant, c'est une parole de séparation. Mais si vous entendez sa voix, restez là comme ça, vous serez blindé. Que ce soit Dieu, que ce ne soit pas Dieu, tu dis que si c'est Dieu ici, il va encore aller où? Donc, c'est pour cela que c'est important que vous entendiez sa voix. Parce que si vous entendiez sa voix, il y a des choses qu'il va vous dire, qu'il n'a pas besoin de dire à tout le monde. Parce qu'il veut un contact entre vous et lui. Vous dites, je suis enfant de mon père. Si vous êtes avec votre père à la maison, chaque jour, il ne vous dit rien. Vous serez tranquille. Je recommence encore ça. Vous êtes à la maison avec votre parent. Chaque jour, il ne vous dit rien. Il sort de 5h du matin, il met votre argent, il vient là-bas. Il part. Tu as besoin de chaussures, tu vois seulement que la chaussure est déposée là-bas. Tu viens aussi, tu portes seulement. Tu vas seulement porter. Il vient, il garde dans ton cahier. Imaginez que si votre père connaissait tout ce que vous avez besoin. Quand tu as besoin de cahier, tu vois le cahier 32 pages là-bas. Tu t'es plus nouveau le cahier, tu prends. Il ne te dit rien. Vous aurez le problème vous-même. C'est un problème psychologique, une crise psychologique qui va vous prendre. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Réglez le dialogue avec votre père. Réglez le contact. Réglez le contact avec votre père. N'est-ce pas, frère? Réglons le contact avec notre père. Nous sommes d'accord? Il dit, cherchons le tandis qui se trouve. Mais la révélation, c'est ôter les obstacles. Fermons les Bibles. Nous allons prier. Chacun va prier. Souvenez-vous, ce n'est pas une prière générale. Je montre seulement la direction pour que nous prions. Nous allons prier. Chacun pour sa part. À la lumière de la parole de Dieu et tout ce qu'il dit, vous savez ce qu'il vous reproche. Nous sommes d'accord? Nous savons exactement ce que nous faisons. Alors restons dans sa présence. Parlons-lui et réglons le problème jusqu'à ce que nous soyons libres de cela et nous quittions de là. D'accord, bien-aimé? Là, c'est la première étape. Donc, regardons ce qui crée obstacle. Quelles sont les choses? Souvenez-vous de ce qu'il en est. Si c'est quelque chose que vous devez confesser, confessez devant lui. Si c'est quelque chose que vous devez retirer de vous. Quand vous quitterez ici, retirez. Que ça crée l'obstacle. Les choses que vous ne pouvez pas enlever, vous n'avez pas le pouvoir de l'enlever, soumettez-lui seulement que ces choses vous soumettent. Ne vous inquiétez pas pour cela, il va l'enlever. Il a promis. Il va l'enlever. D'accord? Que Dieu vous conduise.